الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد aujourd'hui donc on commence le cours numéro 40 dans l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi et on est arrivé au hadith 30 الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها رواه الدارقطني C'est un hadith rapporté par Abu Sa'laba al-Khushani, Jurthum ibn Nashir, yani radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu des choses obligatoires, alors ne les délaissez pas, ne les négligez pas. Il a établi des peines, des limites, alors ne les transgressez pas. Et il a interdit des choses, alors ne commettez pas ces choses qu'il a interdites, et il s'est tu au sujet de certaines choses, par miséricorde pour vous et non par oubli, alors ne cherchez pas à leur sujet, ne cherchez pas des choses à leur sujet, au sujet de ces choses dont il s'est tu. C'est rapporté par Ad-Darqutni et d'autres. C'est un hadith qui est rapporté par Ad-Darqutni et Ad-Tabarani, et par Abu Naïm, et par Al-Hakim dans Al-Mustadrak, et Al-Bayhaqi dans Al-Kubra. Toutefois, il y a des ulama qui ont parlé au sujet de l'authenticité de ce hadith, et ils ont mentionné que c'est un hadith qui, dans la chaîne de transmission, il y a une coupure dans la chaîne de transmission, donc ils le considèrent comme étant un hadith daïf, ils ne considèrent pas comme étant un hadith authentique. Toutefois, comme le Cheikh l'explique, le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbab, hafizahullah, il a fait un petit charh des 40 hadiths lui aussi. En fait, il a les 40 hadiths plus la suite de l'imam Ibn Rajab, des 10 hadiths de plus que l'imam Ibn Rajab a rajouté. Il a appelé Al-Fath Al-Qawi Al-Matin. Donc, dans le hadith, au hadith 30, il explique que il dit والحديث حسنه النووي ومن قبله ومن قبله أبو بكر ابن السمعاني كما قال ابن رجب وفي سنده انقطاع ولكن ذكر ابن رجب ما يشهد لمعناه فقال وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخرى خرجه البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا هذه الآية وما كان ربك نسيا قال الحاكم صحيح الإسناد وقال البزار إسناده صالح Donc, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, il dit que ce hadith a été déclaré Hassan, par l'imam al-Nawawi et également par Abu Bakr al-Sam'ani avant lui, comme ça a été mentionné par Ibn Rajab. Et toutefois, dans sa chaîne de transmission, dans la chaîne de ce hadith, dans la chaîne des narrateurs, il y a une coupure. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui manque, ou il y a un lien qui manque. Mais l'imam Ibn Rajab, il a expliqué qu'il y a d'autres hadiths qui témoignent de la signification de ce hadith-là et qui sont authentiques, donc qui viennent renforcer ce hadith-là. Et il mentionne, par exemple, dans les paroles de l'imam Ibn Rajab, la signification des paroles de l'imam Ibn Rajab quand il dit qu'il y a un hadith dans la même signification, qui est un hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de d'autres rapporteurs qui l'ont rapporté, comme par exemple Al-Bazzar dans sa Musnad, et Al-Hakim également dans Al-Mustadrak, qui est un hadith rapporté selon Abi Darda, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que Allah a rendu halal dans son livre, alors c'est halal. Et ce qu'il a déclaré haram, c'est haram. Et il y a des choses au sujet desquelles il n'a rien dit, alors c'est comme s'il vous a épargné, il vous a fait preuve de compassion, hein, il vous a épargné de ces choses-là, alors acceptez hein, la compassion et l'indulgence qu'il a fait envers vous, parce que votre Seigneur n'oublie rien. Puis il a cité le verset « وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا » c'est-à-dire « votre Seigneur n'oublie pas hein. ». Votre Seigneur n'oublie pas. Donc, il n'a rien oublié, Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il n'a pas mentionné quelque chose, c'est par indulgence envers nous, par miséricorde envers nous. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté avec une chaîne de transmission qui est sahih, qui est authentique. Et comme l'a dit Al-Hakim et Al-Bazzar également. Donc, ça vient clarifier la question de ce hadith-là sur le plan de son authenticité, hein, puisque le Cheikh Salim Al-Hilali, dans son livre de résumé du Sharh de Ibn Rajab, il a fait Al-Muntaqa, un petit résumé du Sharh de Ibn Rajab, il a sauté complètement par-dessus ce hadith-là, c'est-à-dire il n'a même pas résumé le Sharh, parce qu'il considère comme étant daïf. Toutefois, Cheikh Al-Fawzan, lui, il l'explique, et comme on l'a lu dans les paroles de Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, il est authentique du fait qu'il y a d'autres hadiths qui témoignent de sa signification et qui sont eux authentiques. Donc, le Cheikh Al-Fawzan il dit « Allah Ta'ala shara'a li'ibadihi ma yuslihuhum fi dinihim wa dunyahum » Donc, le Cheikh il dit que Allah Subhanahu wa Ta'ala il a légiféré ses serviteurs ce qui aide à les réformer et à les améliorer dans leur religion et dans leur dunya. Je veux juste encore mentionner un point par rapport à ce hadith-là dans les paroles du Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Il cite le Hafiz Ibn Rajab dans Jami' al-Ulum wa Hikam qui dit فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله إلى أربعة أقسام فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه وهذا يجمع أحكام الدين كلها وأبو بكر ابن السمعاني وقال أبو بكر بن السمعاني هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين قال وحكي عن بعضهم أنه قال ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة قال وحكي عن واثل المزني أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات ثم ذكر حديث أبي ثعلبة وقال ابن سمعاني فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين ولأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث انتهى. Donc, le Cheikh il mentionne, le Cheikh Al-Abbad, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Rajab dans son charh des 40 hadiths, ou bien des 50 hadiths si on veut, dans Jami' al-Ulum wal-Hikam. Il dit que le hadith d'Abi Sa'laba, il y a dans ce hadith-là يعني les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, les principes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la religion. Et elles sont divisées en quatre catégories. Il y a les obligations, il y a les interdictions, il y a les peines, et il y a ce qui n'a pas été mentionné. Ce qui n'a pas été mentionné. C'est-à-dire les choses au sujet desquelles il n'y a pas de règles ou de verdicts clairs mentionnés. Donc, il dit que ça réunit et ça rassemble toutes les règles de la religion en entier. Et l'imam Abu Bakr al-Sam'ani, il dit que ce hadith-là, c'est un des fondements, parmi les grands fondements de la religion. Et il dit que certains parmi les ulama ont dit que il n'y a pas dans les hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de hadith plus complet et qui réunisse plus en lui-même tous les fondements de la religion et toutes les choses qui en découlent que le hadith de Abi Tha'laba, ce hadith-là. Il dit وقال وحكي عن واثلة المزني الواثلة المزني on a dit que on a raconté à son sujet que il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé ou a réuni la religion au complet dans quatre paroles ou dans quatre phrases dans ce hadith là et il a mentionné le hadith d'Abi Tha'laba dont on parle maintenant. Et Ibn Sam'ani, il dit, quiconque donc agit selon ce hadith-là, alors c'est comme s'il a, il s'est procuré toute la récompense, il a pris toute la récompense, il s'est sauvé lui-même du châtiment, et il a établi les obligations, et il s'est écarté. Pourquoi? Parce qu'il a fait les obligations, il s'est écarté de ce qui est haram, il s'est arrêté aux limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a abandonner la recherche ou la quête de ce qui est absent ou de ce qui n'est pas des choses qui lui ont échappé ou qui ne sont pas présentes pour qui ne s'appliquent pas à lui parce qu'elles ne sont pas présentes devant lui, donc il n'a pas cherché à connaître ces choses là donc celui qui a appliqué ce hadith là c'est comme s'il a complété toutes les catégories du mérite de la religion et il a respecté tous les droits de la religion, parce que la religion et toutes les législations, elles ne sortent jamais de ces quatre principes-là et de ces quatre sortes-là qui sont mentionnées dans ce hadith-là. Donc ça c'est la fin de la citation de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, et je voulais juste commencer avec cette citation-là parce que je trouvais que ça expliquait un point important par rapport à ça, comment les ulama ont extrait de ce hadith-là plein de principes et plein de règles. Après le Cheikh Al-Fawzan, il dit « قوله وفرض فرائضة » يعني « أوجب واجبات » فالفرض هو الواجب وقيل إن الفرض آكد من الواجب والواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه يعني أوجب واجبات وألزم بها من الطاعات والعبادات مثل الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان وحج البيت وحج بيت الله الحرام وبر الوالدين وغير ذلك من الواجبات التي بين العباد وبين الله والواجبات التي بين العباد بعضهم مع بعض من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى المحاويج هذه فرائض La yajouzu tarkuha wa yalzimu fi'luha. Le Cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans ce hadith que Allah a ordonné des choses, il a rendu des choses fard, c'est-à-dire obligatoires. Le Cheikh il dit que le mot fard c'est la même chose que le mot wajib. Wajib et fard, les deux sont la même signification, ça veut dire quelque chose qui est obligatoire. Ça c'est fard, ça c'est wajib, c'est des synonymes. Il y en a des ulama qui ont fait une distinction entre fard et wajib. Il y en a qui disent que fard c'est plus fort que wajib. Et ceux qui font cette distinction-là, c'est les hanafis, les ulama du madhab hanafi. Mais dans la réalité, il n'y a pas de différence. La majorité des ulama ils font aucune distinction entre le fard et le wajib. Pour eux, c'est la même chose. D'accord ? والواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est obligatoire dans la définition des ulama de fiqh et de usul al-fiqh quand ils expliquent la signification du wajib et qu'est-ce qui est obligatoire? Ils disent que c'est la chose que si tu le fais, tu seras récompensé et si tu ne le fais pas, tu seras puni. C'est ça la définition de qu'est-ce qui est wajib dans l'islam. Qu'est-ce qui est obligatoire? C'est la chose que si tu le fais, tu vas être récompensé par Allah et si tu ne le fais pas, tu vas être puni. Tu vois? Donc, par opposition à la chose qui est recommandée, si tu le fais, tu es récompensé, si tu le fais pas, tu ne seras pas puni. Tu vois? Donc ça, c'est la différence entre les deux. Et le haram, c'est le contraire. C'est ce que si tu le fais, tu vas être puni, et si tu le fais pas, tu vas être récompensé. Tandis que qu'est-ce qui est détestable, hein, c'est si tu le fais, hein, tu vas pas être puni, mais si tu le fais pas, tu vas être récompensé. Hein, c'est ça le macro, qu'est-ce qui est détestable. Donc, si je me souviens bien, c'est ça. Wallahu a'lam. Donc, le cheikh explique, il dit que, donc le wajib, c'est si tu le fais, tu vas être récompensé, si tu le fais pas, tu vas être puni. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que certaines choses sont obligatoires, et ça veut dire qu'on n'a pas le choix de les faire. Et ça, c'est parmi les choses qui sont des formes d'obéissance ou d'adoration, comme les cinq prières par jour, la zakat, le jeûne du ramadan, le hajj à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire à la Kaaba, à la Mecque, et d'être bon envers les parents, ainsi que beaucoup d'autres parmi les obligations de la religion. Hein. Et il y a des obligations qui sont entre Allah entre les serviteurs et Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a d'autres obligations qui sont entre les serviteurs eux-mêmes. C'est-à-dire comme par exemple la bonté envers les parents, le fait de garder les liens de parenté, le fait d'avoir de la bonté envers les gens qui sont dans le besoin, toutes ces choses-là sont des obligations qu'il n'est pas permis d'abandonner et qui sont obligatoires de faire. C'est obligatoire de les appliquer, de les respecter. ثم قال فلا تضيعوها, c'est-à-dire أي لا تتركوها, أي لا تتسا أو لا تتساهلوا في شأنها لأنها من مصلحتكم ومن قيام ومن قوام دينكم, الدين قائم على الفرائض والواجبات ثم المستحبات من الطاعات فإن النوافل تجبر الفرائض إذا حصل فيها نقص وتكملها والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه هذا هو المستحب. Donc le cheikh explique, il dit فلا تضيعوها, c'est-à-dire Allah il a rendu des choses obligatoires, alors ne les abandonnez pas, ne les prenez pas à la légère, ne les négligez pas, parce que c'est pour votre bien. Et c'est les choses qui font que la religion se tient. C'est par ces choses-là que ta religion va se tenir. Hein? Parce que la religion, elle est établie, elle repose sur des obligations, hein, sur des fara'id et des choses obligatoires. Puis ensuite, il y a les choses qui sont recommandées, les mustahabbat, hein, parmi les choses qui font partie des obligations et des obéissances envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les mustahabbat, les choses qui sont recommandées de faire, qui sont surérogatoires, qui sont supplémentaires, elles viennent corriger les obligations. Par exemple, si par exemple dans ta prière obligatoire il y a des faiblesses, il y a des manques ou il y a des imperfections, le fait de faire des prières supplémentaires et surérogatoires, ça vient réparer les fautes ou les manques qui existent dans ta prière obligatoire. Donc c'est pour ça que ça vient, c'est important de les faire. Donc, la définition de qu'est-ce qui est recommandé, de qu'est-ce qui est mustahab, c'est si tu le fais, tu vas être récompensé, mais si tu ne le fais pas, tu ne seras pas puni, parce que c'est quelque chose qui est recommandé seulement. Hein. Aussi, les ulama utilisent le terme qu'est-ce qui est sunnah aussi. Hein. Qu'est-ce qui est sunnah ou qu'est-ce qui est mustahab, hein, c'est des synonymes. Sauf qu'il faut bien comprendre que le fait d'utiliser le terme sunnah pour dire quelque chose qui est recommandé, ça peut prêter à confusion. Alaykoum salam, rahmatullah. Ça peut prêter à confusion parce que par la suite, il y a des gens qui vont s'imaginer que si quelque chose n'est pas dans le Coran et que c'est uniquement dans la sunnah, que c'est pas obligatoire. Alors qu'il y a des choses qui sont dans la sunnah qui sont aussi obligatoires, même si elles ne sont pas dans le Coran. D'accord? Donc, le terme sunnah, c'est un terme qui est utilisé par les ulama de usul et d'autres de fiqh aussi, pour désigner ce qui est pas, ce qui est pas obligatoire, mais il faut comprendre que, dans d'autres utilisations du terme sunnah dans son sens plus large, le mot sunnah implique aussi ce qui est obligatoire et non pas uniquement ce qui est recommandé. Et ça, c'est important de le comprendre pour justement pas arriver à penser que lorsque les ulama disent que quelque chose est mustahab ou que c'est sunnah, que ça veut dire que c'est la même chose que de dire que le mot sunnah c'est toujours égal à mustahab. Il ne faut pas penser que les deux ont toujours la même signification, puisque parfois le mot sunna peut être obligatoire aussi, ou la chose qui est sunna peut être obligatoire aussi, tandis qu'elle peut être parfois dans le sens de mustahab. قوله وحد حدودا الحد هو الشيء المانع والله وضع موانع للعباد لا يتجاوزونها من المباحات تغنيهم عما حرم الله عليهم فالله أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث فهناك حلال وهناك حرام هذه حدود الله سبحانه وتعالى فالمباح لا يتعدى وقال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها والحرام لا يقرب قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها هذا موقف المسلم من الحلال والحرام أنه يأخذ الحلال الطيب ويكتفي به ويترك الحرام وما يؤدي إليه من الوسائل فلا تقربوا يعني فلا تقربوها يعني لا تعملوا الوسائل المقاربة لها احتياطا فالمسلم يقف عند حدود الله عز وجل لا يتجاوزها فيأخذ الحلال والمباح ويترك الحرام لشيخ الزي وحد حدودا فترة سلم إلى زيد الحديث وحد حدودا زي إلى إتابلي دي ليميت دي بارير دي ليميت En arabe, on dit, par exemple, al-hudud. Là, on parle d'un pays et qu'on veut dire les frontières d'un pays, on dit al-hudud. Donc, hudud al-balad ou hudud al-dawla, les frontières d'un pays. On appelle ça des hudud. Hudud, c'est le pluriel de had. Al-had, ça veut dire une barrière, une frontière, une limite. Quelque chose qui vient bloquer. Qui vient stopper, qui vient bloquer les choses. Donc dans la langue arabe c'est ça, al-had, ça signifie ça. يعني عبارة عن المنع. Ok. Et même un portier, on l'appelle al-haddad. Un portier, on peut l'appeler haddad. Et dans la législation, bien entendu, ça a le sens d'une peine ou d'une punition qui est établi par Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été prédéterminé avec une proportion prédéterminée. Ça c'est dans la note de bas de page en bas à propos de ce sujet-là. Fi al-shar' ibaratun 'an 'uqubatin muqaddara wajibatun haqqan lillah ta'ala. C'est-à-dire que quand on parle des peines islamiques, comme par exemple couper la main du voleur, lapider l'adultère, celui qui fait l'adultère, ou de lui donner les coups de fouet lorsqu'il a fait la fornication, ça c'est des choses qu'on appelle hudud en arabe, c'est-à-dire des peines. Et donc, ça peut avoir ce sens-là. Aussi, ça peut avoir le sens des limites qu'on doit appliquer et respecter dans le sens de la religion en général, du fait que le serviteur il ne doit pas dépasser les limites de ce qui est permis, de ce qui est mubah. Parce que dans le mubah, ou dans ce qui est permis, il y a tout ce qu'on a besoin dedans, qui fait en sorte qu'on n'a pas du tout besoin de ce qui est haram. Ce qui est haram, t'en as pas besoin du tout. T'en as pas besoin parce que dans le halal, il y a tout ce qui est suffisant pour toi. Donc t'as pas besoin du haram. Et si Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit quelque chose, c'est parce que c'est pas bon pour toi. Et t'en as pas besoin de toute façon, puisque dans le halal, il y a tout ce qu'il faut. Dans le halal, il y a tout ce qui est nécessaire pour toi. Et pense à n'importe quoi de haram dans ta tête, et dis-toi que peu importe qu'est-ce que tu peux trouver de bon dans ce haram-là, dis-toi que dans le halal, il y a mieux encore. Et il y a mieux encore pour toi. Et qu'il ne te manque rien dans ce qui est halal par rapport à qu'est-ce qui est, hein, par rapport à qu'est-ce qui est haram, il ne te manque rien. Allah il t'a permis tout ce qui était bon, et qu'est-ce qui est bon, ça te suffit. Après le shaykh il dit, فَاللَّهُ أَحَلَّ لِعِبَادِهِ الطَّيِّبَاتِ. Allah il a permis pour ses serviteurs tout ce qui est bon, et il a interdit pour ses serviteurs tout ce qui est mauvais pour eux. Donc il y a le halal et il y a le haram, et ça c'est les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, qu'est-ce qui est permis, il ne faut jamais le dépasser. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans le verset 229, surat al-Baqarah, il dit, voici les limites d'Allah, alors ne les transgressez pas. Et le haram, on n'a pas le droit de s'en approcher non plus. Et il mentionne le verset 187 dans surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, voici les limites d'Allah, alors ne vous en approchez pas. Donc, il ne faut pas les transgresser, il ne faut pas non plus s'en approcher. Ce n'est pas juste qu'il ne faut pas le faire, il ne faut même pas s'en approcher. Hein? Donc ça c'est la position du musulman face au halal et au haram. Donc le musulman il prend ce qui est halal et ce qui est bon, et pour lui c'est suffisant, et il abandonne ce qui est haram et ce qui peut amener au haram. فَلَا تَقْرَبُوهَا. Et ne vous en approchez pas. Comme quand il interdit le zina dans le Coran, Allah dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Et ne vous approchez pas du zina. C'est pas ne faites pas le zina, ne vous approchez pas du zina. Donc en même temps pour toutes les autres limites d'Allah, Allah dit فَلَا تَقْرَبُوهَا. Ne vous en approchez pas, c'est-à-dire ne faites aucun des moyens qui pourraient vous rapprocher de ce péché-là. Et ça c'est pour ihtiyatan. Ihtiyatan, c'est-à-dire, c'est par mesure de précaution. Par mesure de précaution, dans le sens que tu dis, c'est comme si tu dis, bon, si je ne veux pas arriver à tomber dans ce trou. Alors, pour éviter de tomber dans le trou, on a mis une clôture autour. Hein, juste pour faire en sorte que tu ne vas pas rapprocher du trou. Parce que, on pourrait dire, bon, on va juste laisser le trou comme ça, les gens vont dire, bon, il y a un trou, on va pas aller dedans. Mais si tu mets une clôture autour, là, c'est encore plus certain que tu vas pas t'en approcher du trou pour pas tomber dedans. Donc, ihtiyat, c'est ça que ça veut dire. Pour éviter de tomber dans qu'est-ce qui est haram, tu t'éloignes même des choses qui sont autour, qui peuvent t'amener à tomber dedans. Donc, il y a ce point-là. Puis, à propos de ça, il y a juste un petit point que je veux mentionner par rapport aux gens qui critiquent le fait de mentionner ce qui est haram. Il y a des musulmans, parmi certaines tendances, parmi les musulmans, et en particulier chez les hizbiyyins, on a la tendance du fait que ces gens-là cherchent toujours à attirer le plus de gens avec eux, et à les regrouper ensemble, et à chercher des sympathisants pour s'unir avec eux dans n'importe quelle cause, et peu importe que la personne soit pratiquante ou non, hein, vous allez les voir dans leurs associations, dans leurs groupes, ils vont organiser une conférence islamique, ils vont mélanger tout le monde ensemble, et vous allez voir parmi leurs membres, il y en a qui pratiquent l'islam, il y en a qui ne pratiquent pas, il y en a qui prient, il y en a qui ne prient pas, il y en a qui fument, il y en a qui ne fument pas, il y en a des femmes qui se voilent, il y en a qui ne se voilent pas, et il n'y a personne qui dit à celui qui ne fait pas ce qu'il devrait faire, fais-le, et il n'y a personne qui dit, à la personne qui fait ce qu'il ne devrait pas faire, cesse de le faire. Il dit non, il ne faut pas faire fuir les gens. Il ne faut pas les faire s'enfuir, parce que si tu leur dis le halal et le haram, ils vont vouloir s'en aller, ils ne voudront pas rester. Et le pire, c'est qu'il y en a qui disent, ah mais pour vous, ah, vous parlez toujours de halal et de haram, laissez le halal et le haram, dans la religion, c'est pas que le halal et le haram. Hein? Il faut parler de l'amour, ça c'est plus important. Hein? Parlez pas du halal et du haram. Et ces gens-là, ils oublient une chose très importante, c'est que le fait qu'Allah nous a enseigné le halal et le haram, c'est justement par amour. Hein. Et c'est pour notre bien, à nous. Si on ne connaissait pas le halal et le haram, on tomberait dans tout ce qui est mauvais pour nous. Et on se ferait du mal à nous-mêmes. Hein, et on tomberait dans les choses qui sont يعني نصيب فنو اي ممكن كي فون نوز امني ان انفير دونك ها exactement donc il faut croire à la miséricorde d'Allah et que le fait qu'on ait la clarification du halal et du haram, c'est pas pour nous punir, c'est pas un mal pour nous, c'est un bien pour nous. Hein? Et eux, ils ont l'impression, quand tu leur expliques le halal et le haram, la façon que tu entends ces gens-là, comment ils répondent, on dirait qu'ils réagissent comme si le haram c'était une punition. Hein? C'était comme si tu veux toujours les priver de quelque chose. Alors qu'ils ne réalisent pas que ces choses-là que Allah a interdites, c'est des choses qui sont mauvaises. Et qu'est-ce qu'il nous a permis, c'est des choses qui sont bonnes. Donc la distinction, quand tu leur donnes des exemples dans ce sens-là, eux, ils prennent ça comme si c'était un mal. Donc il faut leur faire comprendre que le halal et le haram, c'est une miséricorde d'Allah. Hein? Ça, c'est important de leur faire comprendre ça, que c'est une miséricorde pour nous. فالمسلم يقف عند حدود الله le musulman il reste donc il s'arrête aux limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les dépasse pas et il prend le halal et qu'est-ce qui est permis et il laisse le haram. ثم قال وحرم اشياء المحرمات كثيره قال تعالى حرمت عليكم الميتة وقال واحل الله البيع وحرم الربا فمنها ما جاء نص التحريم عليه ومنها ما نهى الله عنه والمنهي عنه الأصل أنه حرام وقد يكون مكروها كراهة تنزيه من باب الاحتياط إذا دل دليل على صرفه عن التحريم. للشيخ اكسبليك ensuite شيخ الفوزان ذلك الله سبحانه وتعالى إلى déclaré des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a interdit des choses. « Wa harrama ashiya » Allah a interdit des choses. Et les choses haram sont nombreuses. Allah il donne comme le cheikh il mentionne le verset 3 dans surat al-Ma'idah comme exemple, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Hurrimat alaykum al-mayta » Les viandes mortes, les animaux qui sont morts par mort naturelle ou qui ont été tués par un autre animal ou qui sont tombés, qui se sont assommés ou bien qui sont morts de maladie ou d'autres façons, mais qu'on n'a pas égorgé, ces animaux-là sont des animaux morts, on n'a pas le droit de les manger. Elles ont été haram pour nous. Donc Allah il dit « Hurrimat alaykum al-mayta » Al-mayta, c'est-à-dire les viandes mortes qui n'ont pas été égorgées. « Wa qal wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba » Verset 275 dans Sourate Al-Baqarah, Allah a rendu licite, a permis le commerce et il a interdit le riba, l'intérêt. Donc, parmi les choses qui ont été interdites, il y en a qui sont interdites par un texte, qui montre clairement que c'est interdit. Et وَمِنْهَا مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ Il y en a d'autres que Allah a interdites. Et tout ce qu'il a interdit de faire, bien entendu, c'est qu'est-ce qui est haram. Donc il y a des versets qui mentionnent clairement que quelque chose est haram, en utilisant le terme haram, et il y a d'autres choses qui ont été interdites sans mentionner le terme haram, mais à la base c'est qu'elles sont haram elles aussi, même si le terme haram n'a pas été utilisé. Du moment que c'est un verbe impératif qui est utilisé, qui mentionne que cette chose-là on ne doit pas le faire, c'est une interdiction, donc ça veut dire que c'est haram. Et il y a d'autres formules aussi, il y a d'autres façon dont on peut déterminer que quelque chose est haram, et pour connaître les détails à ce sujet-là, on retourne aux livres qu'on appelle les livres de Usul al-Fiqh. Et dans ces livres de Usul, il y a les formulations qui sont utilisées pour déterminer ce qui est haram dans la charia. D'accord? Et elles sont toutes elles sont toutes énumérées et avec des exemples même parfois dans certains livres de Usul, avec même des citations, des exemples de versets et de hadiths qui montrent certaines formules, certaines formulations de tahrim ou d'interdiction. Il y en a des gens qui pensent que si le mot haram n'est pas mentionné dans le verset ou dans le hadith, ça veut dire que c'est pas haram, même si c'est un verbe impératif qui nous vient avec le sens de l'interdiction. Ils disent « Ah non, c'est pas marqué haram, donc c'est permis. » Non, non, non, c'est pas obligé d'être le mot haram écrit. Mais si c'est écrit « fais le pas », ça veut dire que c'est haram quand même. ولا تقربوا الزنا. C'est pas écrit, c'est pas écrit le zina est haram. Hein? C'est pas écrit. C'est écrit ne vous approchez pas. Eux ils vont dire ah ben c'est pas écrit haram donc on peut le faire. Non, c'est pas obligé que ce soit écrit haram. Même si c'est pas écrit haram, si tu vois un verbe qui vient te dire fais pas, hein, approche-toi pas, ça veut dire que c'est haram, c'est fini. Hein? Donc exactement, exactement, barakallahu fik. Exactement, barakallahu fik. Les ulama ils disent ça même, ils disent que même le fait de pas se rapprocher, c'est encore plus fort dans l'interdiction que le fait de dire faites le pas, ou que c'est haram. Hein. Et parce que yani, quand tu t'approches pas, tu peux même pas faire les choses qui peuvent t'amener à cette chose. Hein. Donc c'est encore plus fort. Et le cheikh il dit, il y a parfois quelque chose qui est détestable aussi, c'est-à-dire qui a été mentionné comme pour wa alaykoum salam wa rahmatullah, qui est mentionné dans le sens de dire faites le pas, mais pas dans le sens que c'est haram, mais dans le sens que c'est détestable. Hein. Et on appelle ça karahatu tanzih. Hein. Et ça c'est dans le but de faire, de, comme je disais tout à l'heure, hein, dans le but de s'écarter de ce qui est de ce qui peut nous amener à tomber dans le haram. Et la preuve qu'on a que quelque chose n'est pas haram dans le sens que c'est interdit, mais que c'est uniquement dans le sens que c'est déconseillé de le faire, la preuve de ça, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah musta'an. Oui, la preuve que c'est quelque chose qui est détestable et non haram, c'est qu'il y a un autre dalil qui fait descendre, hein, le wa alaykoum salam wa rahmatullah. Parce qu'il y a des, il y a, on va dire que, supposons qu'il y a quelque chose qui est déclaré comme étant haram dans un texte, et bien il y a un autre texte qui vient pour montrer qu'il n'est pas interdit, mais qu'il est seulement déconseillé de le faire. Yusrifuhu anil haram. Il y a des choses aussi comme la même chose pour qu'est-ce qui est recommandé. Il y a des versets qui vont dire faites telle chose, mais c'est pas dans le sens de l'obligation, c'est dans le sens que c'est recommandé. Et la façon comment on fait pour savoir que c'est pas obligatoire mais que c'est seulement recommandé, c'est parce que il y a d'autres textes qui mentionnent des preuves que cette chose-là, c'est pas dans le sens que c'est obligatoire mais que c'est recommandé. La même chose dans l'interdiction. Parfois il y a un hadith, il y a un ayah qui va dire faites pas ça, mais dans un autre hadith, vous allez avoir une preuve que c'est pas dans le sens de l'interdiction, mais dans le sens que c'est déconseillé, ou que c'est détestable de le faire, mais pas que c'est haram. Après, le cheikh dit, wa sakata an ashiya, hein, ça c'est, il dit, qawluhu, wa sakata an ashiya, lam yuhallilha, wa lam yuharrimha, hein, la tas'alu anha, li'anna Allah sakata anha, wa fil bahthi anha, ihrajun lil-nas. فما دام أنها مسكوت عنها فاتركوها من أخذها لا يلام لأن المباح مسكوت عنه والمباح هو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه فالله سكت عنها لحكمة ما سكت عنها من باب النسيان بل سكت عنها رحمة بكم لئلا يشق عليكم وقوله غير نسيان لأن الله جل وعلا لا ينسى لأن النسيان نقص وذهول والله جل وعلا لم يسكت عنها نسيانا لها وإنما سكت عنها رحمة بكم لألا يضيق عليكم. Le cheikh il dit, et Allah s'est tu à propos de certaines choses, il ne les a pas déclaré halal, il ne les a pas déclaré haram, alors ne posez pas des questions à leur sujet. C'est-à-dire, Allah, il s'est tu à leur sujet, il n'a rien dit à leur sujet, alors n'essayez pas de chercher à leur sujet pour mettre les gens dans la difficulté et rendre les choses de la religion compliquées et difficiles pour eux. Hein, il y a des gens comme ça. Hein, des choses qui ne se sont même pas arrivées, des choses qui ne sont même pas là, eux, ils posent des questions à propos de ces choses-là pour compliquer la religion pour les gens. Oui, mais qu'est-ce qui arrive s'il y a ça? Qu'est-ce qui arrive si on fait ça? Qu'est-ce qui arrive s'il y a ça? Hein? Et il n'y a pas un texte qui dit que c'est halal ni que c'est haram. Et eux, ils cherchent à propos de ces questions-là, commencent à spéculer des choses à propos de la religion. Et s'ils cherchent à propos de ces choses-là dans la religion, eh bien ils vont découvrir par la suite le verdict, et puis après, ça va rendre les choses compliquées pour eux. Hein? Exactement. Exactement. On a expliqué ce hadith-là déjà. Hein? Les peuples, avant vous, ils ont péri justement à cause de ça. Ils ont posé trop de questions. Donc, comme on disait, le fait de chercher au sujet de ces questions-là, ça rend des choses compliquées pour les musulmans. Donc, du moment que Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien dit à leur sujet, alors laissez-les. Hein? Et celui qui les fait, il ne va pas être blâmé, hein? Parce que ce sont des choses qui sont mubah. Qu'est-ce qui n'a pas été mentionné dans la charia comme étant halal ou haram? Dans ce cas-là, c'est des choses qui sont permises, qui sont mubah. Et c'est ça la définition du mubah, c'est dans les paroles des ulama de usul, ils disent c'est la chose que tu fais, si tu l'as fait, tu ne vas pas être récompensé pour la faire, et tu ne vas pas être puni si tu ne la fais pas. Si tu l'as fait, tu ne vas pas être récompensé, si tu ne la fais pas, tu ne vas pas être puni. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'est tu au sujet de ces choses-là par sagesse, hein, à cause d'une sagesse. Et c'est pas parce qu'il l'a oublié, c'est pour une raison, c'est pour une sagesse, et par miséricorde pour vous, hein, pour pas que la religion soit compliquée, devienne compliquée. C'est-à-dire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ghayrun nisyan, c'est-à-dire pas par oubli, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie rien, il ne peut pas oublier, hein, parce que l'oubli c'est une caractéristique d'imperfection et de faiblesse, et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de cette caractéristique humaine là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est tu, il n'a rien dit au sujet de ces choses là, pas par oubli, hein, mais par miséricorde pour nous, pour pas nous rendre les choses trop compliquées. Et justement le Cheikh Al-Abbad, il mentionne justement à propos de cette partie là dans le hadith, il dit وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَا رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرُ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُ عَنْهَا أَيْ هُنَاكَ أُمُورٍ لَمْ يَأْتِ النَّصْ عَلَيْهَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. C'est-à-dire, il y a des choses qui n'ont pas été mentionnées dans les textes du Coran et de la Sunna. فَلَا يُشْتَغَلُ فِي الْبَحْثِ عَنْهَا وَالسُّؤَالِ عَنْهَا. Et donc, on ne doit pas se préoccuper à chercher à propos de ces choses-là et à demander à propos de ces choses-là. وَذَلِكَ مِثْلُ السُّؤَالِ عَنِ الْحَجِّ فِي كُلِّ عَامٍ الَّذِي أَنْكَرَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّائِلِ قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Il dit ça c'est semblable à la personne qui est venue poser la question au prophète صلى الله عليه وسلم, est-ce qu'on doit faire le hajj à chaque année au messager d'Allah? Et le prophète صلى الله عليه وسلم a répondu, hein, ne pose pas cette question là parce que si je disais oui, ça allait devenir obligatoire tous les années et vous allez pas être vous seriez pas capable de le faire. Alors il a dit, laissez-moi, tant que je vous ai laissé, laissez-moi. Et c'est-à-dire ne posez pas ces questions-là ou trop de questions par rapport à ces choses-là, parce que les peuples avant vous ont péri justement à cause de leurs nombreuses questions, hein, et de leur opposition ou contradiction avec leur prophète. والسؤال, hein, كالسؤال عن تحريم شيء لم يحرم, فيترتب عليه التحريم بسبب السؤال. Donc de poser des questions au sujet de l'interdiction de quelque chose, alors que la chose n'a pas été interdite. Alors ça peut avoir comme conséquence que cette chose-là devienne interdite à cause du fait que toi tu poses la question à son sujet. كما ثبت بيان خطورته في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زمنه صلى الله عليه وسلم لا يسأل الأسئلة التي فيها تنطع وتكلف والمعنى سكت عن أشياء فلم يفرضها ولم يوجبها ولم يحرمها فلا يسأل عنها. Donc il dit on ne doit pas poser la question au même après la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne doit pas poser des questions dans lesquelles il y a des choses qui viennent compliquer la vie des gens et la religion des gens, et dans lesquelles il va y avoir trop de complications pour les gens. Donc s'il y a des choses au sujet desquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit, hein, il n'a pas été ordonné ou rendu obligatoire, il n'y a rien qui l'a rend obligatoire, il n'y a rien qui l'interdit, alors ne cherchez pas à ce sujet-là. Et il mentionne les paroles d'Ibn Rajab, dans lesquelles il dit « أَمَّا الْمَسْكُوتْ عَنْهُ فَهُوَ مَا لَمْ يُذْكَرْ حُكْمُهُ إِتْحْلِيلْ وَلَا إِجَابْ وَلَا تَحْرِيلْ فَيَكُونُ مَعْفُوًا عَنْهُ وَلَا حَرَجَ عَلَى فَعِلِهِ وعلى هذا دلت هذه الأحاديث المذكورة هنا كحديث أبي ثعلبة وغيره. Donc il dit, en ce qui concerne les choses au sujet desquelles il n'y a pas eu de verdict dans la charia à leur sujet, alors c'est la chose au sujet de laquelle il n'y a pas eu un verdict mentionné, ni que c'est halal, ni que ça a été ordonné, ni que c'est haram. Donc c'est les choses au sujet desquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous a excusés, hein, et donc il n'y a pas de problème pour quelqu'un qui fait ces choses-là, et ça c'est prouvé par le hadith qu'on a mentionné, le hadith d'Abi Sa'laba, et d'autres hadiths aussi dans ce chapitre-là, dans ce, qui ont la même signification que ce sujet-là. Donc, Inch'Allah, je pense qu'on va s'arrêter ici, puis on continuera. Donc, on termine, Inch'Allah, le point, le hadith. Le Cheikh dit, « ثم قال, فلا تبحثوا عنها, hein, فلا تبحثوا عنها. ما عليه دليل أن على أنه حلال فخذوه وما عليه دليل أنه حرام اتركوه وما سكت عنه فلا تبحث عن حكمه لأنه لو كان له حكم لبينه الله سبحانه وتعالى هذه ضوابط يسير عليها المسلم في دينه وفي حياته وفي تعامله وفي سلوكه يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويلتزم بحدود الله فلا يتعداها ولا يسأل عما لا يحتاج إليه ولا يحتاج إليه الناس قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين والتكليف التكليفات التي لا يحتاج إليها والأسئلة التي لا يحتاج إليها منهي عنها إنما تسأل بقدر حاجتك فقط ولا تتكلف شيئا لا تحتاجه ولا يحتاجه الناس. Donc le cheikh il termine l'explication de ce hadith là en disant, hein, que, comme on a dit, il y a des choses au sujet desquelles Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien dit. Pas par oubli, mais par miséricorde pour vous. Alors ne cherchez pas à leur sujet. Ne faites pas des recherches à leur sujet. Et le cheikh il dit, s'il y a quelque chose au sujet de laquelle il y a une preuve que c'est halal, prenez-le. Hein? S'il y a quelque chose qui prouve que c'est haram, alors laissez-le. Et s'il y a des choses au sujet desquelles il s'est tu, il n'a rien dit, ne cherchez pas au sujet de son verdict. Hein? Parce que s'il y avait un verdict à son sujet, Allah l'aurait clarifié. Et déjà, il ne faut pas oublier la règle, hein, que les ulama mentionnent, c'est que al-aslu fil ashiya al-ibaha. Al-aslu fil ashiya al-ibaha. À la base, toutes les choses sont mubah, et elles sont permises, dans les choses de la dunya. Sauf s'il y a un dalil, une preuve qui vienne mentionner que cette chose-là a été interdite dans l'islam. Donc il faut qu'il y ait une preuve pour l'interdire. Donc à la base tout est halal sauf s'il y a une preuve pour l'interdire. Ok? Et s'il y a quelque chose qui est interdit, dans ce cas-là, tu t'en abstiens, tu t'en éloignes, mais s'il n'y a pas de clarification ou de verdict à son sujet dans la charia, alors là tu cherches pas à son sujet. Hein? Tu t'arrêtes à ce que tu as besoin de connaître. Et ça c'est les règles que le musulman doit suivre dans sa religion et dans sa vie et dans sa façon d'agir avec les autres. Hein? Il fait ce qui est obligatoire, il abandonne ce qui est interdit et il s'arrête et il respecte les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et il ne les transgresse pas et il ne demande pas au sujet des choses dont il n'a pas de besoin, hein, et que les gens n'ont pas de besoin. Il y a des gens qui veulent compliquer toujours la vie des autres et posent des questions compliquées pour rien. D'accord? Donc ça c'est pas quelque chose de bien de faire ça. Et il mentionne le verset 101 et 102 dans Surat Al-Ma'ida, hein, ô vous qui avez cru, ne demandez pas au sujet des choses que si elles vous sont divulguées, elles vont vous faire du tort. Et si vous posez la question à leur sujet alors que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées et Allah vous en avait épargné, hein, Allah vous en avait excusé. Hein, et Allah est pardonneur et compatissant, hein, et indulgent. Et si il y a des gens qui ont posé, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans à la suite du verset, « قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ » Des gens avant vous avaient posé ces questions-là, hein, à ces sujets-là, et puis ils sont devenus mécréants à cause de ça. Hein. Donc quand tu poses trop de questions, ça peut t'amener à dépasser la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'exemple des gens qui ont posé la question au sujet de la vache, dans Surat al-Baqarah. Ils ont dit à Moïse, Moïse a dit, Allah vous ordonne de sacrifier une vache. Ils ont dit, est-ce que tu te moques de nous? Atattakhizuna huzwa? Est-ce que tu te moques de nous? Qala a'ouzu billahi an akuna min al-jahilin. Je demande protection à Allah que je sois parmi le nombre des ignorants. Puis après ça, il leur a dit, Allah vous ordonne de sacrifier une vache. Ils ont demandé, quelle sorte de vache? Décris-la nous, on ne sait pas laquelle. Là, il a commencé à leur expliquer, la vache, elle est de telle description, de telle couleur, de telle chose. Hein, elle n'est pas comme si elle est ça. Bon, là, après, ils ont posé encore des questions. Hein, c'est pas encore assez clair. Là, Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu l'affaire de plus en plus compliquée, de plus en plus difficile. Parce qu'ils ont refusé de le faire du premier coup. Et ils ont commencé à chercher à poser des questions et des questions et des questions. Jusqu'à ce que Allah leur ordonne à sacrifier la vache la plus belle, celle qu'ils aimaient la plus, pour les punir. Donc, ça c'est l'exemple de ça. Ne pas poser des questions, c'est des choses qui peuvent vous faire du tort ou vous nuire à la fin, et puis peuvent même vous amener à la mécréance à la suite. Donc, les choses qui ont été ordonnées par Allah subhanahu wa ta'ala, les choses qui nous ont été interdites, on s'en abstient, et les choses qui ne sont pas mentionnées dans la révélation, ni dans le halal, ni dans le haram, alors, c'est des choses qu'Allah nous a excusées, et donc dans ce cas-là, il ne faut pas chercher à leur sujet. Et il dit que les choses que les gens n'ont pas besoin, alors il ne faut pas, ce sont des choses qu'on n'a pas de besoin dans notre vie, dans notre religion, alors ça ne sert à rien de chercher à se rendre la vie difficile avec ces choses-là. Et les questions sur des choses qu'on n'a pas besoin, c'est interdit de les rechercher. Tu dois uniquement poser des questions selon ton besoin, selon ce que tu as besoin seulement. Et pas de te mettre sur les épaules des difficultés et des obligations, des choses que tu n'as pas besoin, que les gens n'ont pas besoin en général. Donc, faut pas se compliquer la vie, c'est ça que ça veut dire. Donc, alhamdulillah, on a terminé le cours d'aujourd'hui. On a terminé donc l'explication de ce hadith, le hadith 30. Et la semaine prochaine, inshallah, on fera le hadith 31. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.